Je me sens seul comme au tribunal, je m'endors comme un criminel, sans passer mes rêves d'ado. Et je vois les jeunes en huracan, ils veulent la quiche avant de la cam, quitte à finir comme Pablo. Et tu sais, j'ai trop donné, volé, trop déconné, tous mes honnêtes et moi. Et je m'en fais même pour m'envoler, voler, faut délover. Mais je sais que personne va me sauver, ils deviendront tous mauvais. Je me sens mal, j'ai proprement fini au sol. Oui, j'ai le seum, faut que je me calme. Pourquoi j'ai cru à tes belles paroles? Tout allait que dans ton sens, donc j'ai fini par me perdre. Je marchais droit, t'étais bancal, me dis jamais qu'on faisait la paire. Je fonçais dans le mur, j'ai fait un crash, pensais que t'étais le copilote. Moi j'aurais pu te prendre sur mon dos et faire le tour de ce foutu globe. J'ai dû me noyer dans mes larmes pour essayer de me consoler. Maintenant que l'orage est passé, personne pourra me déboussoler. À cause de toi, non, grâce à toi. Maintenant je sais que je suis des gens comme toi, non. Ils sont méchants, méchants. Quand je donne c'est pour de vrai, prêt à tout pour un refrain. Combien de fois j'ai sacrifié mes ailes pour te voir voler. Jamais fait les choses à moitié, en amour moi je suis entier. De mon cœur t'avais les clés, toi t'es rentré t'as tout pillé. On m'avait dit de me méfier, que t'étais là par intérêt. Mais avec tes beaux discours toi t'as nourri ma naïveté. Aujourd'hui je suis vacciné, tu pourras plus me contaminer. Grâce à tes mythos, ma parano a mis, mais je t'aime sous ses lèvres. Dans mon cœur, tu es rentré, t'as tout laissé en chantier. T'étais clairement ma moitié, pour toi, moi, j'aurais tué. Mais le quartier, le renté, pour toi, c'est ce qui comptait. Tu voulais le monde entier, moi, c'est nous que je voulais. On avait tout pour être heureux, mais tu voulais juste faire plus d'euros. Tu voulais jouer un jeu dangereux, tu m'as perdu et t'as fini. Solo, tu me tais, tu reviens, mais c'est plus la peine. Solo, tu dis que tu m'aimes, tu reviens, mais j't'ai déjà tège. Je me sens seul comme au tribunal, je m'endors comme un criminel. Ils sont passés mes rêves d'ado. Et je vois les jeunes en huracan, ils veulent la quiche avant de la cam, quitte à finir comme Pablo. Et tu sais, j'ai trop donné, volé, trop déconné, tout. Fallait pas me chêler. C'est dans le pire que j'ai vu ton visage. Tu vas me manquer mais je ne veux plus te voir. Le soleil vient toujours après l'orage. Comme dans un livre ouvert, je t'ai laissé me lire. Je voulais qu'on mette les voiles mais toi t'as fait couler le navire. Déception, déception, j'ai retenu la leçon. À présent si je donne, je donne en faisant attention. Ouais. Tomber dans le vide. Tomber, tomber dans le vide. Tomber dans le vide. Ils sont méchants. J'parle pas d'eux, ils m'en veulent. Ils aiment pas te voir avancer. Ouh, ils sont méchants. Ouais, je les sens tous, j'suis pas seul. Mais j'suis pas du genre à menacer. Ouh, ils sont blessants. M'en fous des gens. Besoin des dégâts, même sur les gens. Qui sont bons qu'à créer des légendes. Faut être intelligent, à la zone faut emmener l'argent. Faut jobber dur pour avoir ta chance. Avec moi j'ai fait la paix, j'ai retourné la terre. Les mains dans la boue, tu m'aides ou tu m'enterres. J'connais beaucoup de gens qu'on fait du mal et qu'en ont pas l'air. Brisa un égal, bibel, mousse, fm ou elle. J'me suis donné mes plus qu'il en fallait. Jusqu'à devenir folle, besoin de m'isoler. Des fois c'est bizarre, je réponds plus au phone. J'pense qu'à moi désormais, tout ce qu'il me fallait. J'ai fait mes valises, c'est l'heure du voyage. Quand je réalise, tu n'étais pas là. Alors je vais faire comme toi, pardon, je suis désolée. Je vais faire comme si, parce que t'as fait comme ça. Je me sens seul comme au tribunal, je m'endors comme un criminel. Ils sont passés mes rêves d'ado.